Je vais le, oh, tu es l'aide, oh. chrétiens, nous serons toujours toi et moi. De Niamey à Kinshasa, nous serons toujours toi et moi. De Conakry à Accra, nous serons toujours toi et moi. De Bamako à Lagos, nous serons toujours toi et moi. Nicolas me dit qu'on aime qu'une seule fois dans la vie. Mais papa, moi je trouve que qui a aimé une fois pourra aimer 100 fois. C'est-à-dire? Ah, ça veut dire que qui vole un bœuf volera un bœuf? Évidemment! Mambo amoureux qui aurait pu croire ça de lui. Et pourtant là, il n'y a rien de jaune. C'est ça! You get your wife again, my own.